Le noble cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri, hafidahullah, dit, les gens de la sunna sont unanimes que la cause d'associationnisme des mouchriquines était qu'ils refusèrent d'unifier Allah dans l'adoration, l'adoration en général, dans l'adoration. Ils prirent des associés avec lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Al-Huwaini explique le terme de Al-Ilah par celui du juge, à l'instar de ses frères Sururi et Qutbi. Il explique le terme de Al-Ilah par celui du juge. Or, le terme juge n'est qu'une partie dans le tout de Al-Uluhiyya, qui comprend bien d'autres formes. Et pour Sayyid Qutb, ainsi que pour Muhammad Qutb, et pour Abu Abd al-A'la al-Mawdoudi, et tous ceux qui les suivent, pour eux, La ilaha illallah signifie, il n'y a de juge qu'Allah, la hakima illallah. La ilaha illallah signifie pour eux, pour les sururi, la hakima illallah, et c'est le cas pour Huwaini dans ses citations. Note du traducteur, ainsi réduisent-ils le sens de la ilaha illallah dans le jugement, et même la notion de al-hakimiyya, ils en ont une signification très restreinte, c'est-à-dire qu'il la confine dans les actes du gouverneur d'un pays. Or, Cheikh Rabih, hafidahullah, a démontré que Al-Hakimiyya concerne d'abord les croyances. Il faut appliquer la Hakimiyya d'Allah Azza wa Jal pour éradiquer le shirk dans toutes ses manifestations et pour asseoir le monothéisme et non pas résumer Al-Hakimiyya dans les affaires que doit le gouverneur musulman, Al-Hakim. Al-Hakimiyya concerne tout un chacun. Fin de la note du traducteur. Et Al-Huwaini dit aussi, dans un autre endroit, il dit, « Wa ahlu al-ilmi, istisharatuhum majjaniya, bila mal, fahal yatwara kullu tajirin kabir, lahu mustashar, yaqulu lahu, hadha halal wa hadha haram. » هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الألوهية. Fin de citation. Traduction de cette citation. Il dit, la consultation des gens de science est gratuite, sans argent. Donc, est-ce que chaque grand commerçant a un consultant qui lui montre que ceci est licite et cela est illicite? Ceci est une preuve évidente que nous n'unifions pas Allah par le monothéisme de Al-Hakimiyya, qui est la caractéristique par excellence de Tawhid Al-Ilahiyya. Fin de citation. Cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri, hafidhahullah, commente qu'il y a certes des manquements chez beaucoup de musulmans qui ne demandent pas la vie légiférée avant de faire ou d'agir ou de parler. Mais il ne faut pas généraliser cela à tous les musulmans. Et puis, dire que nous manquons la caractéristique la plus particulière de Al-Uluhiyya signifie tout simplement que nous ne sommes pas musulmans et que nous sommes mécréants. Nous sommes kuffars, donc selon cette citation de Al-Huwaini. Ceci est un sens corrompu et erroné généré par l'excès des Qutbi Sururi. Cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri, habidullah, montra que Al-Huwaini voulut prendre la tangente et s'en sortir par des allégations qui font penser que les savants l'auraient critiqué injustement. Cependant, ce qui lui fut critiqué et reproché sur ce point, ce sont les innovations al-Bida'. Ce sont les innovations suivantes. A. Le fait de prétendre que Tawhid Hakimiyya est le plus spécifique du genre ou du type de la catégorie de Tawhid Al-Uboudiyya, Tawhid Ilahiyya. 2. Le fait qu'il prétend que le messager aurait combattu les mouchriquines à cause qu'ils récusèrent qu'Allah est le juge Al-Hakim. Ceci est une falsification du sens du monothéisme et un détournement et falsification de la réalité du conflit opposant le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux associateurs. 3. Le fait qu'il prétend ceci. Il dit Tawhid ilahiyya nimra wahid fih Tawhid al-hakimiyya Fahad al-shihad al-minni. Traduction. Tawhid ilahiyya. Ce qui y entre en premier lieu est le tawhid de al-hakimiyya. Ceci est un ishtihad de ma part. Fin de citation. En outre, Al-Huwayni prétendit que Al-Hakimiyya serait un quatrième type de monothéisme. Et il a rapporté, et il a été rapporté de lui, qu'on puisse parler de 10 types même de monothéisme. Ceci montre une ignorance de sa part sur la distinction à faire entre le type, c'est-à-dire la catégorie, et entre les composants du type. Il a un mélange entre Na' et entre Al-Afrad qui entre dans chaque type du monothéisme. Si on accepte de parler d'un type à part, un type à part entière, dit Tawhid Al-Hakimiyya, la notion de type n'aura plus aucun sens et l'on parlera après lui de Tawhid Al-Salah, Tawhid Al-Zakah, Tawhid Al-Hajj, Tawhid Al-Zabh, Tawhid al-Isti'ana, Tawhid al-Du'a, et ainsi de suite à l'infini. Donc, ce sera, donc, il va ouvrir une porte qui ne se fermera pas. Et ainsi de suite. Or, lui et les autres Qutbi et Sururi mettent l'accent sur al-Hakimiyya afin de rendre mécréants les gouverneurs musulmans. Et puis, rendre mécréants les gouvernés qui ne les désavouent pas, qui ne désavouent pas ces gouverneurs. Rendre mécréants les gouvernés qui ne les désavouent pas et ne se rebellent pas contre eux, comme l'avait explicitement décliné leur chef, Sayyid Qutb. Fin du troisième point, passons maintenant au quatrième point de critique de Al-Huwayni. Al-Mukhalafat al-Rabi'a. عدم اعتبار الحويني شرعية ولاية الحكام المسلمين الذين تولوا بالغلبة والقهر. La quatrième remarque. الحويني ne reconnaît pas la légitimité de la tutelle des gouverneurs musulmans ayant pris le pouvoir par la force et la domination. الحويني dit dans un serment de vendredi intitulé « Nida al-Ghuraba » « L'appel des étrangers » face à, il dit « La yuzadu sultanun yahmi hudud Allahi fil ard »« Man sabba Allah asuzina sitata ashur »« Wa lam yunafad hadha al-qanun sa'atan »« Wa man sabba al-zat al-malakiyya yusjanu fil hal » لا يوجد سلطان شرعي. انتهى. Traduction de cette citation. Il n'y a pas un gouverneur qui protégerait la loi d'Allah sur terre. Celui qui injurie Allah s'expose à 6 mois de prison. Et cette sentence n'a pas été appliquée pour 1 heure. Tandis que celui qui insulte la personne royale, il est emprisonné sur le champ. Remarquez cette conclusion qu'il va dire. Il est emprisonné sur le champ. Il n'y a pas un gouverneur légitime. Fin de citation. Comparant sa parole à celle de Sayyid Qutb, qui dit « Inna al-alama ya'ishu al-yawma kullahu fi jahiliya. Hadhihi jahiliyatu. تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية. إنها تسند الحاكمية للبشر. Fin de citation tirée de Ma'alim fi al-Tariq, as-safha 9. Traduction de cette citation. Le monde vit aujourd'hui entièrement dans une jahiliya. Cette jahiliya qui repose sur la transgression du pouvoir d'Allah sur terre et sur la transgression de la particularité la plus caractéristique de la divinité et qui est Al-Hakimiyya. Elle, c'est-à-dire cette Jahiliya, elle délègue la Hakimiyya aux hommes. Fin de citation. Et Ibn Qutb dit aussi à la page 11, c'est-à-dire toujours du même livre, Ma'alim fi at-Tariq. Il dit, « وَنَحْنُ الْيَوْمَ فِي جَاهِلِيَّةٍ كَالْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي عَاصَرَهَا الْإِسْلَامُ أَوْ أَظْلَمْ كُلُّ مَا حَوْلَنَا جَاهِلِيَّةٍ » Traduction. Nous assistons aujourd'hui à une jahiliya similaire, sinon plus encore obscure que celle lors de l'avènement de l'islam. Tout ce qui nous entoure est jahiliya. Et à la page 23, il dit « Inna muhimmatana al-oula hiya taghyir waqi'i hadha al-mujtama' muhimmatuna hiya taghyir hadha al-wad'i al-jahili min asasih » Traduction de cette citation de Sayyid Qutb. Il dit, notre mission première est de changer cette réalité sociale. Notre mission est de transformer cette situation de jahiliya depuis la base. Fin de citation. Et il dit aussi à la page 98, إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. بهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي. جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض تدخل فيه المجتمعات الشيوعية وتدخل فيه المجتمعات الوثنية وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. Traduction de ce takfir sans précédent et sans borne. La société jahilite est toute société non islamique. En raison de cette définition objective, il qualifie sa définition d'être une définition objective. En raison de cette définition objective, toutes les sociétés actuelles en vigueur sur Terre entrent sous cette catégorie de la société jahilite. Y entrent donc les sociétés communistes, et y entrent les sociétés païennes, et y entrent les sociétés judaïques et chrétiennes. Et enfin, il entre sous la société de Jahiliya, ces sociétés qui se prétendent être islamiques. Fin de citation. Et son frère Mohammed Qutb dit, dans son livre, As-Sahwa al-Islamiyya. Regardez comment il intitule son livre, comme si les musulmans dormaient. Le sursaut islamique, l'intitulé du livre, le sursaut islamique. Comme si les musulmans étaient en train de dormir, comme avait fait remarquer Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Mohammed Qutb dit donc à la page 148 de As-Sahwa al-Islamiyya, il dit, « Inna hadhihi al-mujtama'at, allati na'ishu fiha al-yawm, mujtama'atun jahiliyatun, kama aslafna al-qawla min qabl, li'annaha la tahkumu, wa la tuhkamu, بشريعة الله إنما تحكم وتحكم بمناهج جاهلية وشرائع جاهلية. Traduction de ce takfir. Ces sociétés où nous vivons de nos jours sont des sociétés de jahiliya. Comme nous avons dit précédemment, comme elles ne gouvernent, car elles ne gouvernent ni ne sont gouvernées par la sharia d'Allah. Elles ne gouvernent et ne sont gouvernés que par des méthodes jahilites et par des lois du jahiliya. Fin de citation. Et Cheikh Abu Al-A'la Hafidhahullah dit, وَقَدْ سَارَ الْقُطْبِيُّونَ عَلَى هَذَا السَّنَنَ الْخَارِجِ وَإِلَيْكَ بَعْدُ عِبَارَاتِهِمْ لِتُدْرِكَ أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ أَنَّهُمْ ذُرِّيَّةٌ بَعْدُهَا مِنْ بَعْدُ. Il dit Hafidhahullah, et les Qutbi suivirent ces lois de Khawarij, et je vais t'en citer certaines de leurs expressions pour que tu saches, ô noble lecteur, que c'est une progéniture issus l'une de l'autre. Ensuite, Cheikh Abu Abd al-A'la avait cité des paroles de takfir des États islamiques et qui sont des propos des Ikhwani, Manna al-Qattan, Salman al-Ouda, Safar al-Hawali et Yasser Burhani. Et les conclusions qui se dégagent de ces citations sont les suivantes. 1. L'inexistence de l'État islamique à l'heure actuelle. Nafyu wujudi ad-dawlat al-islamiyya. 2. L'inexistence du gouverneur légitime auquel on pourrait donner allégeance. Adam wujudi sultan shar'i tuta'u al-bay'a. C'est ce qu'ils appellent la vacuité de cette époque d'un imam juste. Shuhur al-zamani min al-imam al-adil. Ainsi refuse beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont dans un degré maximal d'authenticité, c'est-à-dire qu'ils sont chez Al-Bukhari rahimahullah ou chez Muslim rahimahullah ou chez les deux ensemble. Lesquels hadiths ordonnent d'obéir et d'entendre au gouverneur musulman même s'il serait implanté par la force et la dominance et la domination, car il y a en cela des intérêts pour les musulmans. Voilà pourquoi les khawarij sont idiots, sont stupides. Ils ne comprennent pas l'intérêt de la société musulmane et du groupe musulman. Nom du traducteur, il faut souligner que quelqu'un comme Abu Ishaq al-Huwayni s'occupe du hadith comme science instrumentale. Il est capable de se prononcer sur le degré d'authenticité du hadith. Cependant, il n'adhère pas aux gens du hadith en tant que voix, en tant que piste et croyance. Il n'a pas expliqué un précis de aqidah par exemple, tant soit peu, tant soit court soit-il. C'est-à-dire, il n'a pas expliqué les moutons les plus élémentaires pour l'aqid al-islamiyya. Il n'a pas expliqué quelque chose comme al-usul al-thalatha ou bien al-qawa'id al-arba'a, les trois fondements ou bien les quatre règles de l'imam Muhammad ibn al-Wahhab. Pourquoi al-Huwayni n'explique pas ces moutons, ces précis de al-aqida? Est-ce que Muhammad ibn al-Wahhab n'est pas un imam? Je continue toujours cette note. Son statut, c'est-à-dire le statut de Al-Huwayni, est semblable à celui de beaucoup de récitateurs de Al-Qur'an al-Karim, qui excellent au plan de la lettre, qui excellent au plan de la récitation, mais qui n'en ont pas assez de compréhension des sens. Je dirais même que le statut de ces récitateurs est ceux de Abu Ishaq al-Huwayni et de Sulayman al-Alwan aussi, qui est en Arabie Saoudite. Leur statut est semblable à ces récitateurs. Et le statut de ces récitateurs et de ces gens qui s'adonnent à la science du hadith en tant que science instrumentale et qui se réclament de l'ouvrage du hadith, Sanat al-Hadith. Leur statut participe d'un même courant, d'une même idéologie, et qui est généralement l'idéologie des khawarij takfiri. Wallahu a'lam. Wallahu al-musta'an. Fin de la note et fin de la quatrième critique, de la quatrième réfutation. Passons maintenant à la cinquième critique, le cinquième point de réfutation de Al-Huwayni. Al-mukhalafat al-khamisa. Suluk al-Huwayni. Sabil al-tahyiz al-siyasi wal-ithara lil-amma didda al-hukam. الذي هو سبيل الخوارج القعدية. الحويني recourt à la méthode d'excitation politique et a suscité la masse contre les gouverneurs à l'instar des خوارج القعدية. Cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri حفظه الله définit d'abord le terme de الخوارج القعدية. Ce sont une branche des خوارج qui incite au khourouj, l'embellissent, même si eux, ils ne sortent pas, ne participent pas au khourouj, à la rébellion, à l'émeute, aux révoltes, les khawarij qa'adiyya usent des paroles, des mots, des khotab. Voici leurs munitions. Les khawarij proprement dit usent des épées, versent le sang, exécutent. Al-Huwayni dit, تصور لو أن رجلا يصلي هل يمكن أن يصدر إذنا باعتقال المصلين في صلاة الفجر؟ هل يمكن أن يصدر إذنا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع في المساجد؟ لو أنه يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله، نعوذ بالله أن يتمكن هؤلاء. إنما نريد أن يتمكن المؤمنون. Remarquez le dernier terme, al-mu'minun. Les premiers khawarij se sont fait appeler al-mu'minun. Traduction de la citation de al-Huwayni. Il dit, imagine, si un homme, et Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidhahullah, met en note qu'il désigne par homme le président égyptien. Il dit, al-Huwayni, si un homme priait, serait-il possible qu'il émette une autorisation d'arrêter des prières lors de la salat de Al-Fajr? Serait-il possible qu'il permette de lancer des missiles lacrymogènes dans les mosquées si seulement il respectait les limites qu'Allah avait ordonnées? Si seulement il respectait les adorations d'Allah? Nous implorons Allah de ne pas faire triompher cette gente, c'est-à-dire cette catégorie de gens, de ne pas faire triompher cette gente, mais plutôt de donner les commandements aux croyants, comme si les autres ne sont pas croyants, ne sont pas musulmans. L'auteur, Cheikh Abu Abd al-A'la Hafidhahullah, demande à Al-Huwayni, qui sont ces prieurs capturés lors de la salat de Al-Fajr? Parce que généralement ce sont des rumeurs ou ce sont des mensonges. Qui sont ces prieurs capturés lors de la salat al-Fajr? D'abord. Et puis, ceci dit, il est indéniable que le groupe Tekfiri 2, Al-Hijra wa Tekfir, enfouille les armes à même les mosquées pour les utiliser ensuite pour tuer les pécheurs musulmans. Pas étonnant donc si les agents de sécurité se trouvent obligés de perquisitionner dans les mosquées afin d'arrêter les fauteurs de troubles et afin de conjecturer leurs opérations meurtrières et criminelles. Et Cheikh Abu Abd al-A'la demande encore à Al-Huwayni, est-ce que ces khawarij qui se permettent de verser le sang des musulmans sans droit, est-ce qu'ils vénèrent aussi les limites d'Allah? Est-ce qu'ils vénèrent ces adorations lorsqu'ils font ces choses dans les mosquées? Et le Cheikh Abu Abd al-A'la Habdallah lui rend aussi ces termes. Il dit, nous implorons Allah pour ne pas faire triompher cette gence de Khawarij. Ce que nous espérons et demandons, c'est la victoire des gens de la Sunna et selon la manière qui est la leur, non pas à la manière Kharijit des coups d'état et des manifestations. Et le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala rappelle l'acte criminel et diabolique du dénommé Juhayman bin Saif al-Utaybi qui se barricada en pleine mosquée sainte le 1er Muharram 1400. Est-ce que Al-Huwayni est d'avis de ne pas entrer dans la mosquée pour chasser le Tekfiri et faire arrêter sa tyrannie? Et le Cheikh Hafidhahullah lui demande son avis sur Shukri Mustafa, qui constituait le groupe de Al-Hijra wa Takfir, c'est-à-dire se séparer de la société, car elle est mécréante selon lui, selon eux, selon ce groupe de Al-Hijra wa Takfir. Se séparer de la société, car elle est mécréante selon eux. Et puis s'arrêter pour discerner la situation. C'est-à-dire s'abstenir de donner l'islam à personne, même si elle accomplit les cinq piliers de l'islam. S'arrêter pour voir si cette personne, si telle personne ne commet pas quelque péché qui empêche de juger de son islam et qui oblige donc de trancher de sa mécréance. Donc on doit dire Al-Huwayni, et il ne suffit pas de prier Salat Al-Fajr, il faut aussi désavouer la voix des Khawarij. Et il a peur que Al-Huwayni oublie ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde contre les aïeux des Khawarij Takfiri, qui ne sont pas seulement des prieurs, mais les Sahaba eux-mêmes, grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en venaient à mépriser leur salat et leur récitation du Coran, comparée à celle des ancêtres des Khawarij, c'est-à-dire les aïeux des Qutbi et des Sururi dans Al-Huwayni. Et les groupes de Al-Hijra wa Takfir, Jama'at al-Jihad et Al-Jama'at al-Islamiyya avaient perpétré des actes criminels en Égypte, comme de kidnapper Al-Sheikh al-Zahabi, ministre des Awqaf, et le tuer. Ils avaient commis d'autres meurtres, d'autres attentats, d'autres incendies, des destructions, sous prétexte de condamner le blâmable, Inkar al-Munkar, et établir la loi d'Allah Azza wa Jal, Iqamat al-Hukmillah. Rechercher ces criminels, furent-ils des prieurs, est un devoir pour faire cesser le climat de panique, pour faire cesser leur tyrannie, pour faire cesser le climat de panique qu'ils implantent en terre d'islam. Et Cheikh Abu Abdel A'la, Hafidullah, demande à Al-Huwayni, supposons que nous ne connaissons même pas les crimes de ces hommes et que l'État les arrête sans que nous sachions la cause. Est-ce que le minhaj salafi consiste à diffuser ses critiques des gouverneurs à travers les manabirs? La réponse est connue. Ceci est la voie des Khawarij. Et Cheikh Abu Abdel A'la cite quelques exemples où Al-Huwayni raille les gouverneurs et glorifie les frères musulmans et leurs expériences d'emprisonnement, et ils racontent leurs histoires extraordinaires, karamats. Et Cheikh Abu Abdel A'la dit que rares sont les khutab de Al-Huwayni où il n'y a pas ce genre de clin d'œil au gouverneur. Voici un exemple. Al-Huwayni dit: إحنا ما سحبناش السفير اللي سحب السفير السودان وليبيا وسحبت سفير السعودية وكم دولة كده انتو عارفين سحب السفير ذا كله شغل عقيم يعني ملوش قيمة خلاص بعد ما انت تعتذر ومش عارف ايه خلاص رجع السفير يا ناس والذي يعمل حاجة ما فيش بس هو قال لك عنوان الدبلوماسية أسحب السفير يبقى خلاص إحنا زعلانين من بعض خلاص خصام لحد ما نتصالح بعد كده أي كلمتين. للشيخ أبو عبد الأعلى حفظه الله كومونت كوستين بارول أن ديالكت إيجيبسيان سي كازي إليزيبل. Il l'a traduit en langue arabe. Nous la traduisons en français. Wallah al-Musta'an. Il dit: nous n'avons pas retiré l'ambassadeur. Il désigne le gouvernement égyptien et il s'exprime par nous. Nous n'avons pas retiré l'ambassadeur. Ceux qui avaient rappelé leurs ambassadeurs, ce sont le Soudan, la Libye, l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Vous savez que retirer l'ambassadeur est un acte stérile qui n'a pas de valeur. Et si ces gens, c'est-à-dire le Danemark, s'excusent, on rend l'ambassadeur en place. Cependant, ils disent que retirer l'ambassadeur est un symbole de diplomatie pour exprimer le désaccord politique entre les deux États jusqu'à ce que on se réconcilie après par n'importe quel deux mots. Fin de citation. Voici encore un exemple où Al-Huwayni dit: وانت عارف الجماعة بتوع مجلس الشعب القصة دي مش في دماغهم لا قوانين ولا الكلام ذا. كل واحد له قصته الخاصة، له مآرب، يطلع ياخد كم ألف فدان، ياخد كم مئة فدان، كم مش عارف إيه. القصة معروفة وانتو طبعا مش هقول لكم سري يعني. تخابيكسيون tu sais que le groupe de l'assemblée du peuple, ces histoires ne les concernent pas, ni les lois, ni ses paroles-ci. Chacun d'eux pense à sa propre histoire. Il a des objectifs. Combien de mille champs il gagnera? Combien de centaines de champs? Combien de je ne sais quoi? L'histoire est très connue et je ne vous divulgue pas un secret par là. Cheikh Abu Abdel A'la commente que ce rabaissement dans l'exposé des erreurs des gouverneurs n'était pas connu chez l'un des imams des salafs tout au long des siècles jusqu'à notre époque. Les salafs ne diffusaient pas ces propos sur les manabers. Notre traducteur, qu'est-ce que les gens profitent de cela, de ces khotabs sur la politique? Quant à leurs croyances, quant à leur adoration, comment les accomplir, quant à leur comportement, Al-Huwayni les occupe de politique, même dans les khotabs, alors qu'ils sont rassasiés de la chose politique à travers les différents médias. Fin de la note du traducteur. Et Cheikh Abu Abdel A'la cita quelques exemples de paroles des salafs sur l'interdiction d'insulter ou railler les gouverneurs. Les insulter et les maudire publiquement relève de la propagation du mal dans la société musulmane. Allah Ta'ala dit: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Et Allah sait et vous ne savez pas. Surat An-Nur, la lumière. Verset 19. Ceci est la méthode de Muhammad Surur ou Muhammad Surur, qui avait prononcé le takfir et sur les gouverneurs et sur les savants, tandis que Al-Huwayni fait des allusions et dissimule sa position de Sururi. Cheikh Abu Abdel A'la demande Al-Huwayni de désavouer ses paroles de Muhammad Surur si lui, Al-Huwayni, était salafi comme il le prétend. Muhammad Surur dit: هذا وللعبودية طبقات هرمية اليوم فالطبقة الأولى يتربى على عرشها رئيس الولايات المتحدة جورج بوش وقد يكون غدا كلينتون والطبقة الثانية هي طبقة الحكام في البلدان العربية وهؤلاء يعتقدون. Remarquez ce terme. هؤلاء يعتقدون أن نفعهم وضررهم بيد بوش ولهذا فهم يحجون إليه ويقدمون إليه النذور والقرابين. Traduction de ce tekfir sans borne. Il dit: ceci dit, la servitude de nos jours prend la forme d'échelle pyramidale. La première échelle et celle sur le trône de laquelle siège le président des États-Unis, George Bush, et peut-être ce serait Clinton demain. La deuxième strate, la deuxième échelle, est celle des gouverneurs des pays arabes. Et ceux-ci croient, remarquez ce terme de croire, et ceux-ci, c'est-à-dire les gouverneurs, croient que leur bien ou leur mal dépend de Bush. C'est pourquoi ils lui font al-hajj, le pèlerinage, et ils lui présentent al-nuzur, ce qu'on s'oblige soi-même comme adoration. Ils lui présentent al-nuzur wal-qaradin, les offrandes d'immolation. Fin de citation. Et dans une autre citation, Muhammad Surur considère la descendance du roi Abdulaziz comme pire que les conseillers laïcs. Et que cette descendance complote avec les laïcs contre la Ummah. Et Mohammed Surur dit aussi: لقد كان الرق في القديم بسيطا لأن للرقيق سيدا. À propos, le terme basit n'est pas opportun ici. Il a donc un autre sens en arabe qui veut dire large. Mais lui, puisqu'il ne connaît même pas l'arabe, il utilise le terme basit pour signifier simple. لقد كان الرق في القديم بسيطا لأن للرقيق سيدا مباشرا أما اليوم فالرق معقد ولا ينقضي عزبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد عبيد العبيد وسيدهم الأخير نصراني. Traduction de la parole de ce khabith, de ce pervers, Mohamed Sorour. Il dit, la traite des esclaves était jadis simple, car le serviteur, avait un seul maître direct. Or, maintenant, elle est complexe, et mon étonnement ne s'arrête pas quant à ceux qui parlent tawhid, alors qu'ils sont les serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, et leur maître ultime est chrétien. Fin de citation. Cheikh Abu Abdel-A'la Hafidallah commente que ce sont les rawafid iraniens et les soufis fanatiques qui s'en prennent de cette manière aux gouverneurs et aux savants de l'Arabie Saoudite, car elle a déjoué leur projet en proposant le tawhid et la sunna. Et aux antipodes de ce cheminement de Al-Huwayni, incitant les foules à s'insurger contre les gouverneurs en analysant ce qui lui apparaît comme des erreurs émanant d'eux. Cheikh Abu Abdel-A'la cite deux exemples des lettres secrètes de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Deux lettres de l'imam Ibn Baz au gouverneur. Un, comme sa lettre à Saddam Hussein quand il déclara le régime socialiste dans son pays. Deux, et comme sa lettre à Muammar Gaddafi quand il renia la sunna et prétendit se suffire de Al-Qur'an Al-Karim. Et la position de Ibn Baz, rahimahullah, est conforme à celle du livre, de la sunna, et selon la voie des salafs, comme le montre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'incite mes frères et mes sœurs à apprendre par cœur ce hadith, parce qu'il est très important, et vraiment, c'est un coup de sabre qui tranche donc les choubouas des takfiri et des khawarij. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man arada an yansaha li sultanin bi amrin, fala yubdi lahu alaniyatan, walakin ya'khuz bi yadihi, fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadaka, wa illa qad adda alladhi alayhi. » Traduction rapprochée du sens du hadith, et c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet ce sens. Celui qui veut donner un conseil à un sultan, à un gouverneur, ne doit pas le lui montrer publiquement, mais plutôt qu'il lui prenne la main, qu'il soit en tête à tête avec lui. S'il accepte de lui, c'est tant mieux, sinon il aurait fait ce qui lui revient. Fin de la traduction du sens du hadith. Et Cheikh Abu Abdel-A'la Hafidallah souligne que Al-Huwayni avait mis en garde contre le livre de Cheikh Ali Al-Sayyid intitulé Al-Hakimiyya wa Siyasa Shar'iyya inda Shuyukh Jama'ati Ansar Al-Sunnah Al-Muhammadiyya, parce que c'est un livre qui montre la voie de Ahl Al-Sunnah Wal-Jama'a quant à la position qu'il faut adopter vis-à-vis des gouverneurs. Et le Cheikh montre aussi que c'est une habitude de l'Huwayni avec les livres qui enseignent l'obéissance aux gouverneurs dans le bien et le convenable. Et que lui, l'Huwayni, ne traite jamais de ce fondement salafi dans ses cours. Pire encore, il met en garde contre les savants qui élucident le fondement d'obéir et d'entendre aux gouverneurs musulmans dans le convenable et dans le bien. Et Cheikh Abu Abd al-A'la montre la position de Al-Huwaini qui incite au djihad en Irak sans une vision claire dans le cas irakien. Au point qu'il fait une fatwa que ce djihad en Irak est obligatoire, fard'ain, pour les Égyptiens. Et le Cheikh rappelle aussi la position incorrecte de Al-Huwaini vis-à-vis de l'organisation Ikhwani de Hamas. Fin de la cinquième critique, passons maintenant au sixième point de réfutation de Al-Huwaini. Al-Mukhalafat al-Sadisa. Al-Huwaini yusni ala al-Qutbiyin, Khawarij al-Asr, wa ala al-Qussasi, wa ala ta'ifatin min ahli al-Ahwa. Le sixième point de critique, Al-Huwaini fait l'éloge des Qutbi, les Khawarij contemporains. Il fait l'éloge des conteurs d'histoire et il fait l'éloge d'une partie des gens de passion. Premièrement, son éloge déguisé et sa défense de la thèse des Qutbiyin et des Takfiriyin, Sayyid Qutb, Al-Huwaini dit, Tafsir al-Sheikh Sayyid Qutb, fihi la shak, fihi thawaid, wa fihi aydan akhta. لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء هذا كان رجلا أديبا في بداية حياته ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة صعيدي كانوا متدينين يطلعوا يصلوا يطلعوا عندهم نخوة عندهم مروءة عندهم مكارم أخلاق fin de citation. Traduction de cette citation. L'exégèse du Cheikh Sayyid Qutb contient sans doute des intérêts et elle contient des erreurs car Cheikh Sayyid Qutb n'était pas des savants mais un écrivain en début de sa vie et car il était Saïdi, c'est-à-dire de la région de As-Saïd en Égypte peuplée par des Bédouins. Parce qu'il était Saïdi, les gens de As-Saïd étaient religieux et grandissaient prieurs et ils avaient de l'honneur et des bons comportements. Cheikh Abu Abd al-A'la rappelle quelques égarements évidents et profonds de Sayyid Qutb et qui furent analysés et démontrés dans les livres de Cheikh Abdullah Douaysh rahimahullah et de Cheikh Rabi' al-Madkhali Hafidahullah. Ils étaient analysés dans ses livres notamment. Et Cheikh Abu Abd al-A'la, après avoir rappelé quelques égarements profonds de Sayyid Qutb, Cheikh Abu Abd al-A'la demande à Al-Huwaini, est-ce qu'il fait partie du bon comportement de Sayyid Qutb d'insulter le prophète Moïse, Moussa alayhi salam? Est-ce qu'il fait partie du bon comportement de Sayyid Qutb d'insulter une partie des compagnons du messager d'Allah et il les taxa de trahison, hypocrisie, au devin, achat des honneurs des gens? Est-ce qu'il fait partie de son bon comportement de décrire la compagnonne Hind bint Utba radiallahu anha, de la décrire comme une lionne sauvage? Est-ce qu'il fait partie de son bon comportement qu'il insulte le calife bien guidé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et qu'il l'accuse de faiblesse et de complaisance vis-à-vis de Banu Umayya et qu'il considère son califat comme une faille entre celle de Al-Shaykhayn, Abi Bakr wa Umar, et entre celle de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in? Est-ce qu'il fait partie de son bon comportement de jeter le takfir sur l'ensemble des sociétés et gouverneurs et gouvernements islamiques, et qu'il incite aux explosions et il y participe? Est-ce qu'il fait partie de son bon comportement? Est-ce qu'il fait partie de son bon comportement? La liste est infinie. La liste est très longue, en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que Al-Huwaini avait appris les propos de Sayyid Qutb vis-à-vis des compagnons, et il s'évertue à lui trouver des excuses en disant فأنا عندما أقرأ لسيد قطب لا أقرأ له على أساس إنه عالم أبدا سيد قطب دراجل أديب أنا بخدش منه معلومات أبدا ولا أخذ منه فتوى ولا أخذ منه معلومة دينية ولا الكلام ده وهو كمان لم يقرأ ما كانش أياميها لكن كتب شيخ الإسلام ظهرت ولا الكلام ده وما يحقش أول ما بدأ يعني يتخذ الاتجاه الديني قاموا واخذينه حاطينه في السجن قضى فيه فترة بعدين أعدموه تخدكسيون الحويني دي موا كون جو لي دون سيد قطب جو نو لو لي با سور لا باز كيل سوا ان سافون سيد قطب إت ان هوم دو لوتر جو نو برون با دو لي اون فتوى ني اون انفورماسيون ريليجيوز ni ce genre de paroles. Lui-même n'avait pas fait des lectures à son époque. Il n'y avait pas les livres de Cheikh al-Islam. Ses livres n'étaient pas encore publiés. Il n'avait pas le temps. Dès qu'il prit la voie religieuse, ils le prirent et l'emprisonnèrent. Il a passé une période et après, il l'avait exécuté, c'est-à-dire pendu. Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidahullah, avait mis là un commentaire précieux du Cheikh Falah ibn Ismail Mandakar Hafidahullah sur ses propos de Al-Huwayni. Falah Mandakar dit, ceci relève de la passion et de ce qu'elle fait de ces gens. Si vous avouez, c'est-à-dire Al-Huwayni, si vous avouez qu'il n'était pas un savant et que vous ne prenez pas de lui religion, pourquoi avez-vous fait tout ce scandale pour lui et vous l'avez entouré d'un anneau, d'une gloriole et d'une fanfaronnade dont vous emplissez la terre jusqu'au point que vous prétendez qu'il n'y a personne à avoir expliqué la ilaha illallah comme lui. Et ses livres, vous les publiez et diffusez en Orient et en Occident comme des livres de da'wa et de méthodologie correcte. Et l'on demande à Al-Huwayni, que doit faire celui qui n'est pas savant? C'est-à-dire Sayyid Qutb, puisqu'il n'était pas savant, est-ce qu'il devait écrire dans le tafsir? Est-ce qu'il devait écrire dans la science religieuse pour égarer les gens? Que doit faire celui qui n'est pas savant? Il doit apprendre. Pourquoi tu le lis? Toi qui prétends apprendre la science, pourquoi est-ce que tu lis d'un jahil, d'un adib, des écrits religieux? Pourquoi tu le lis? Est-ce pour le critiquer ou pour faire quoi? Pourquoi tu le lis? Dans quel objectif? Si tu ne prends pas de lui des informations religieuses, qu'est-ce que tu prends donc de lui? Pourquoi lire des milliers de pages ne présentant aucun intérêt religieux? Des milliers de pages, des tomes et des volumes où il n'y a pas donc des informations religieuses. Pourquoi vous les lisez donc? Quel est l'intérêt de faire son éloge, lui et ses livres? Donc quel intérêt vous faites son éloge et vous le défendez tout le temps, alors qu'il a insulté même des prophètes? Et Allah nous sa'an. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est que Al-Huwayni et les autres Qutbi s'excusent en disant qu'il n'y avait pas alors les livres de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Est-ce que les Qutbi donnent quelque importance à ces livres de Cheikh al-Islam? Avaient-ils contribué à leur diffusion? Et puis, la vérité précède la publication de ces livres, et précède même Cheikh al-Islam. Il n'a pas droit à s'égarer et à insulter le prophète Moïse et prétendre que les livres du Cheikh Islam n'étaient pas encore connus, donc il a écrit des erreurs de ce genre. La vérité précède Cheikh Islam. Mais que ne l'avez-vous pas respecté? Vous n'avez pas respecté cette vérité qui précède Cheikh Islam. Or, les Qutbi ne voient personne d'autre que Sayyid Qutb. Et relativement au terme A'damou qu'il met en fin de cette citation, et relativement au terme Adamou, c'est-à-dire qu'il l'aurait exécuté, pendu. Cheikh Abu Adlaila met en os de bas de page une citation du sermonneur Ikhwani qui fut emprisonné avec eux et qui est Abdelhamid Kishk qui dit « Waji Abi Sajjani liyaba al-hibal fi yadayhi wa qadamayh faqala al-rajul » أي سيد خطب للسجان دع عنك الحبال سأقيد نفسي أتخشى أن أفر من جنات ربي ووقف على طبلية المشنقة ووضع الحبل في عنقه بيديه وهو يقول ربي إني مغلوب فانتصر وصعدت روحه إلى رافع السماء بغير عمد انتهى. Regardez comme c'est étonnant. Il raconte une histoire de suicide comme étant une histoire de courage et de bravoure. Allah al-Musta'an. Seuls les Ikhwanis sont capables d'une telle ignorance et d'un tel égarement. Traduction de cette citation de Kishk. Il dit, et le geôlier était venu pour lui enchaîner les mains et les pieds. Alors l'homme, c'est-à-dire Sayyid Khotb, lui dit, laisse les cordes, je vais me faire ligoter moi-même. Crains-tu que je m'évade des paradis de mon Seigneur? Et il s'était mis debout sur le plancher de la guillotine ou de la pendaison, s'étant mis la corde de ses propres mains au cou en disant, ô Seigneur, je suis faible, venge-moi. Et son âme s'était dirigée vers celui qui avait fait élever le ciel sans pilier. Fin de la citation de Kishk. Si cette mise en scène digne des réalisations théâtrales, si cette mise en scène est juste, ce serait une preuve de la mauvaise fin de Sayyid Khotb, car le suicide compte parmi les grands péchés. Et il est étonnant que cette Ikhwani de Abdelhamid Kishk raconte ce grand péché comme si c'était un acte de bravoure et de persévérance, et cela prouve l'ignorance dont ils sont capables. Et Al-Huwaini, comme beaucoup d'autres Qutbi, prétendent que Sayyid Qutb aurait désavoué ses idées de takfir des sociétés et les actions de violence. Or, cela était présent jusque dans ses derniers écrits comme Al-Adal al-Ijtima'iyya, la justice sociale, est comme dans l'Imada Adamouni, voilà pourquoi il m'avait exécuté. Et le paradoxe des Qutbi, comme de tout innovateur, c'est qu'il persiste sur ses idées et qu'il continue à publier les livres de Sayyid Qutb contenant tous les genres d'égarement. L'un des meneurs du terrorisme à l'heure actuelle, et qui est Ayman Zawahiri, qui succéda à Oussama bin Laden, l'autre Khariji et l'autre terroriste. Donc Ayman Zawahiri avoua que les livres de Sayyid Qutb sont la référence exclusive pour lui et pour ceux qui se réclament de cette piste, c'est-à-dire cette piste de terrorisme. Donc pour eux, ce n'est pas une piste de terrorisme, mais c'est plutôt la véritable aqida, le sentier vraiment droit, as-sirat al-mustaqim. Ayman Zawahiri dit, inna Sayyida Qutb huwa alladhi wada'a dustur al-jihadiyyin fi kitabih ad-dinamit ma'alim 'ala at-tariq wa inna fikra Sayyid huwa wahdahu masdar al-ihya al-usuli wa inna kitabahu al-'adala al-ijtima'iyya fi al-islam yu'add ahamma إنتاج عقلي وفكري للتيارات الأصولية وإن فكر سيد كان شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج والتي ما زالت فصولها الدامية تتجدد يوما بعد يوم. انتهى المصدر جريدة الشرق الأوسط عدد 8407 بتاريخ 4/12/2001 الموافق للتاسع عشر الشهر التاسع 1422. Traduction. Imam Dawahiri dit, c'était Sayyid Qutb qui avait posé la constitution des djihadistes dans son livre Dynamite, des repères sur la route, sur le chemin. C'est la pensée de Sayyid qui est la source exclusive du renouvellement fondamentaliste. C'est son livre, La justice sociale en islam, qui est considéré comme le meilleur produit rationnel et de pensée pour les courants fondamentalistes. Et il continue, il dit, et la pensée de Sayyid était l'étincelle du début qui déclencha la révolution islamique contre les ennemis de l'islam à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans les épisodes sanglants, se renouvelle de jour en jour. Fin de citation. Cheikh Abu Abdallah note que le livre Al-Adal al-Shima'iyya fi l'Islam est bien le livre où il injuria le calife bien guidé, Uthman radiallahu anhu. Il y insulta aussi Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu. Il y insulta aussi son père, Abu Sufyan radiallahu anhu. Ainsi que Hind bint Utba radiallahu anha, qu'Allah les agrée tous. Et c'est le livre où il détracta tout Banu Umayya. Deuxièmement, l'éloge de Huwaini de trois prédicateurs de la Qutbiyya en Égypte, à savoir Muhammad Abdel Maqsoud, Fawzi Saïd et Sayyid Al-Arabi. C'était à l'occasion de la Nasika, qui s'appelle aussi Aqiqa, de la Nasika de sa fille Maymouna. Quand ces trois takfiris lui rendirent visite, alors Al-Huwaini avait dit d'eux, « Alladhina sharrafuna fi hada al-hafli al-mubarak, wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yanfa'akum bihim. » Tafaddal ya Sheikh Muhammad Abdel Maqsoud, wa Sheikh Fawzi Saïd, wa Sheikh Sayyid Al-Arabi. « Haoulai nujoum, hum nujoum, la yahtajuna la tazkirin minna. » Traduction. Ils nous ont honorés à l'occasion de cette fête bénie. Et nous implorons Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il vous fasse profiter d'eux. Vas-y, Cheikh Mohamed Abdel Maqsoud, Cheikh Fawzi Saïd et Cheikh Sayyid Al-Arabi. Ce sont des stars. Ils sont des stars qui n'ont pas besoin que nous les présentions. Fin de citation. Troisièmement, son éloge de Abdelhamid Kishk. Al-Huwaini dit, ثم توفي الشيخ رحمه الله في رجب 1417 فاللهم اغفر له وارحمه وارض عنه كفاء ما نافح عن دينك وما جاهر بكلمتي الحق. وقال الحويني وقد انتفعت به كثيرا أي بكشك وقد انتفعت به كثيرا في بداية حياتي. المصدر كتاب تنبيه الهاجد لليفر دو الحويني تنبيه الهاجد صفحة 9. Traduction. Ensuite le Cheikh رحمه الله était décédé. Il parle de Abd Hamid Kishk. Était décédé en Rajab 1417. Oh Allah, pardonne-lui et aille-le en miséricorde et agrée-le en récompense de ce qu'il avait défendu ta religion et de ce qu'il prononçait, oh, la parole de vérité. Et il dit, et j'ai beaucoup profité de lui en début de ma vie. Cheikh Abu Abdallah, hafidhahullah, précise que ce qui est reproché ici, ce n'est pas de lui demander le pardon. Puisqu'il est musulman, on peut lui demander pardon. Il n'y a pas de mal en cela. Ce n'est pas de lui demander le pardon et la miséricorde, mais de montrer Kishk comme un défenseur de la sunna. Or, tout un salafi sait qu'il n'avait pas bâti sa da'wa. Qu'est-ce qu'il n'avait pas bâti sa da'wa à l'instar de celle des prophètes, alayhim salam. Il n'avait pas bâti sa da'wa ainsi, à l'instar des prophètes, qui s'intéressent à l'appel au tawhid, à l'interdiction du shirk. Ce n'était pas le cas de Kishk. dont la da'wa focalisée sur les gouverneurs, les artistes et leurs semblables. Ensuite, Al-Huwayni expliqua pourquoi il en avait profité. Il dit: إن الحركة العلمية كانت هامدة في ذلك الوقت وكل ما تصدر لوعد الناس فهو عندنا عالم فما بالك بأشهر الواعظين عندنا في ذلك الزمان وهو الشيخ كشك الذي كان له بالغ التأثير في الناس بحسن وعظه ومتانة لفظه وجرأته في الصدع بالحق لم ينج منحرف من نقبه مهما كان منصبه فكان هذا الشيخ العالم الأول والأخير عندي لا أجاوز قوله وقد انتفعت به كثيرا في بداية حياتي كما انتفع لي خلق. Traduction: le mouvement scientifique était stagnant à l'époque. Quiconque se présentait à prêcher les gens était un savant pour nous. Que dire alors du plus célèbre des prédicateurs à cette époque chez nous, et qui était Cheikh Kishk, qui avait un impact puissant sur les gens par son beau prêche, la force de ses termes et son audace à proférer le vrai. Pas un dévié n'avait échappé à sa critique, quel que soit son poste. Cheikh Abu Adal Abdallah note ici, il commente que Al-Huwayni consent de cette façon à ce que donc Kishk contredisait la voix des salafs en cela. Fin de l'annonce du Cheikh Abu Abd al-A'la. Il disait: pas un dévié n'avait échappé à ses critiques, quel que soit son poste. Ce Cheikh était pour moi le premier et le dernier savant. Je ne dépassais pas sa parole. Et j'en avais beaucoup profité au début de ma vie, quand beaucoup de gens en avaient profité. Fin de citation. Cheikh Abu Abd al-A'la dit qu'effectivement, Al-Huwayni fut beaucoup influencé par la méthode de Abd al-Hamid Kishk, au point qu'il devint comme lui un khatib révolutionnaire ayant des formules maladroites similaires à celles de son prédécesseur. Et il a aussi des critiques virulente aux gens d'art et aux gens de pouvoir, s'écartant par cela de la manière des savants éducateurs, l'ulama al-Rabbaniyin. Quatrièmement, son éloge de Sayyid Hussein al-Afani, qui est un Qutbi, qui commet le takfir injuste contre certains gouverneurs musulmans contemporains. Al-Huwayni avait fait ses éloges quand il introduit au livre de Al-Afani comme Rahban al-Layl et comme Al-Jaza' min jins al-Amal. Par exemple, ce Al-Afani félicite les acteurs de l'attentat contre le président Anwar Sadat et il le qualifie de tarout. Et chez les takfiri, ce terme est synonyme de kafir. Tarout pour eux c'est kafir. Même si en terminologie légiférée, tarout peut signifier quelqu'un qui atteint le stade de la mécréance comme quelqu'un qui commet des péchés qui n'atteignent pas le stade de la mécréance. Donc Al-Afani s'attaqua à Anwar Sadat entre autres, et Al-Huwayni préface ce livre de Al-Afani. Or, de l'aveu même d'un autre Ikhwani, Al-Sadat était un président qui œuvra pour l'islam. Muhammad Ghazali, qui est un Ikhwani, dit: وعندما تولى الرئيس أنور السادات الحكم كشف عن الوجه الحقيقي لمصر المسلمة ودفع سياسة البلد إلى طريق أرشد وقضى على مراكز القوة التي كانت تريد السير بمصر بعيدا عن الإسلام. المصدر: قذائف الحق، صفحة 119. Traduction de cette citation de Mohamed Ghazali. Il dit: lorsque Anwar al-Sadat prit le pouvoir, il montra à nu le visage véritable de l'Égypte musulmane. Il poussa la politique du pays dans un sentier raisonnable et démolit les centres de force qui voulaient conduire l'Égypte loin de l'islam. Fin de citation. Par ailleurs, ce Al-Afani fait l'éloge d'une panoplie d'égarés comme Hassan al-Banna, al-Tantawi, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, Muhammad al-Ghazali. Et Cheikh Abu Abdullah al-Hafidallah dit, « وفي الجملة فالرجل أي سيد حسين العفاني حاطب ليل ومن زكاه أي الحويني مثله. En somme, العفاني est quelqu'un qui ne distingue pas entre ce qu'il lit et الحويني qui fait son éloge lui ressemble. Cinquièmement, son éloge des prédicateurs de l'école Hizbi d'Alexandrie, Mohamed Ismail Muqaddam, Ahmed Farid, et Yasser Borhami. Al-Huwaini dit, Al-Mashaykh al-Mawjoudin fi Misr al-An, Rabbina yahfadhum jami'an, min ikhwani bini ou binhum wuddi akid, raghm mumkin nighib, bis siti sanawat man shufshi ba'd, illa al-Mashaykh al-Mashahir, Asham bini tla'i fi al-Qanas, et Sheikh Mohamed Hassan. Voici les Mashaykh Mashahir, voici les Suyukh célèbres. Qu'est-ce qu'il va citer? Est-ce qu'il va citer Ibn Baz ou l'Albani ou Cheikh al-Fawzan? Non. Le Mashaykh al-Mashahir, le Cheikh Mohamed Hassan, le Cheikh Mohamed Yaqub, le Cheikh Mustafa al-Adawi, amma baqiyat ikhwani al-Mashaykh, est-ce qu'il va citer Cheikh Abdullah Diyan ou Cheikh Rabi' bin Hadi ou Cheikh al-Jami? Non. Amma baqiyat ikhwani al-Mashaykh, الأخ محمد إسماعيل أو إسكيل باسيتي أو موان دي جيبس نو إل باسيتي كودي قطبي إدي تكفيري إدي صوري كوم لوي دي إخواني أما بقية إخواني للمشايخ الشيخ محمد إسماعيل الشيخ أحمد فريد وإخواننا المشايخ في الأسكندرية وبقية المشايخ في مصر ممكن أغيب بست سنوات بسبع سنوات ما شوفش أحد فيهم لكن لا أحمل في قلبي. فقطعه مقدم البرنامج قائلا ممكن نعمل لكم لقاء مجمع. فقال الحويني يا ريت لو عملت كده تكون أسديت إلي جميلا. Traduction de cette parole qui est très difficile en raison du langage dialectal qui pose beaucoup de problèmes à les déchiffrer. Traduction du sens de ces paroles. Les mashaïchs existants maintenant en Égypte, qu'Allah les préserve tous, parmi mes frères, j'ai avec eux une amitié certaine, même si nous pouvons ne pas nous voir quelques 6 années, sauf les mashaïchs célèbres. Regardez ce qu'il va citer comme mashaïchs célèbres. Sauf les mashaïchs célèbres, puisque nous nous rencontrons sur la chaîne. Cheikh Mohamed Hassan, Cheikh Mohamed Yaqoub, Cheikh Mustafa al-Adawi. Quant aux autres, est-ce qu'il a oublié Cheikh al-Jami? Est-ce qu'il va le citer? Ou est-ce qu'il va citer Cheikh Fawzan? Quant aux autres, c'est-à-dire nos frères, les mashaykhs, Cheikh Mohamed Ismail, Cheikh Ahmed Farid, et nos frères, les mashaykhs qui sont en Alexandrie, et les autres mashaykhs en Égypte, il se peut que je ne les vois pas pendant 6 ou 7 années, mais je n'en veux à personne. Le présentateur l'avait interrompu en disant « Nous pouvons vous faire une émission qui vous réunirait. » Al-Huwaini répondit « Je le veux. Si vous le faites, vous m'aurez fait un grand service. » Fin de la citation de Al-Huwaini. Il y a dans cette parole de Al-Huwaini 1. L'aveu de son intégration complète avec ses Qutbi et Qussas, conteurs d'histoire. 2. Qu'il résume les douates en ce qu'il avait cité, négligeant ainsi volument les savants et mashaykhs salafis égyptiens comme Mohammed Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah, Cheikh Hassan Abdul Wahhab al-Banna habidahullah, Cheikh Khalid Abdul Rahman habidahullah, Cheikh Khalid bin Uthman habidahullah, l'auteur de ce livre de réfutation de Al-Huwaini, Cheikh Mohammed Saïd Raslan habidahullah, Cheikh Ali al-Sayyid Hafidahullah, Cheikh Talat Zahran, Hafidahullah, qu'Allah les préserve tous. Sixièmement, son mélange de Mohamed Hassan. Al-Huwaini avait fait de nombreux éloges du Qutbi Mohamed Hassan lors des émissions télévisées qui les réunissent. Et Cheikh Abu Abd al-A'la avait mis en garde contre Mohamed Hassan dans le livre de Al-Kawashif Al-Jaliyya, للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية, ainsi que dans la série de cours méthodologiques intitulée التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح, comprenant 27 assises, 27 cours. الشيخ أبو عبد الأعلى حفظه الله note en bas de la page 489 qu'il était en train de composer une réfutation détaillée montrant les fondements hizbi, les fondements sectaires manifestes chez Mohamed Hassan. Septièmement, son éloge de Mohamed Metwalli al-Sha'raoui, qui est un soufi ash'arite maturibite. Al-Huwayni conseillait à al-Sha'raoui de recourir au président d'État pour se défendre contre ses détracteurs, et il termine en lui disant: افعل هذا لوجه الله عشان تحمي الذين ليس لهم حشمتك وليس لهم مكانتك لما انت تتبهدل ويتهموك ويشتموك ليل ونهار وانت ساكت ساكت ليه. فانا اقول اي واحد له منصب زي شيخ الازهر مثلا, ذا بيكلم رئيس الدولة لما يقول له إنه لا يجوز الاعتداء على حمى العلماء, البريزيدنت الشعراوي كوم ان سافون كوم العلماء, لما لا يجوز الاعتداء على حمى العلماء لأن ده بيهون الدين عند العوام. مي لي سافون شي الحويني سون لي قطبي. تخادكسيون دو سيت ريكومونداسيون فات دو الحويني الشعراوي, il lui dit fais-le pour la cause d'Allah afin de défendre ceux qui n'ont pas ton charisme. S'il avait mis ton ash'arisme, ce serait mieux. Pour défendre ceux qui n'ont pas ton charisme, ni ton statut. Si toi, t'es maltraité, accusé et insulté jour et nuit, et que tu te taises, tu gardes le silence, pourquoi? Donc je dis, quant à moi, celui qui détient un poste, comme le cheikh de Al-Azhar, il peut contacter le président d'État et lui dire qu'il est illicite d'agresser ou d'empiéter sur le terrain des savants, car ceci discrédite et dévalue la religion chez la masse. Fin de citation. Son éloge pour Abdullah Samawi, qui est un takfiri sur le minhaj de Al-Takfir wal-Hijra, comme Al-Huwayni lui-même l'avoue dans ses propos. Al-Huwayni dit: فكان معي في الزنزانة الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي, وهذا الرجل يعني كان حسن الخلق جدا, قل من رأيته في مثل أخلاقه وحلمه مع اختلافي معه أنذاك في مسائل الهجرة والعزلة والمش عارف إيه الكلام ده. كنا نقعد نتناقش في المسألة دي, لكنه كان يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب يحفظه كلمة مع الأخلاق الجميلة والطيبة والهدوء, ولا يتكلم إلا العربية الفصحى فقط. Traduction. Il y avait avec moi en prison Cheikh, qu'Allah l'ait en miséricorde, Cheikh Abdullah Samawi, et cet homme avait un très bon comportement. J'ai rarement vu quelqu'un qui ait un comportement similaire et son endurance, même si je divergeais avec lui alors sur les questions de Al-Hijra, c'est-à-dire quitter et boycotter la société car elle est mécréante selon eux. Les questions de Al-Hijra et l'isolement et je ne sais quoi de ce genre, nous nous asseyons pour discuter de ce point. Néanmoins, il apprenait le livre d'Allah Azza wa Jal par cœur, tout en ayant les bons comportements et le calme, et il ne parlait que la langue arabe al-fusha. Fin de citation. Et Al-Huwayni de raconter une histoire de torture de ce takfiri en demande pour quel but il en parle et pour quel but il raconte ce genre d'histoire. C'est pour exciter les foules.